طيب on commence inshallah بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On continue donc notre explication du livre Al-Furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah avec les commentaires de Cheikh Salah Al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Et on est arrivé donc à propos des paroles de certains d'entre les extrémistes parmi les soufis. Au dernier cours, à la fin, on a parlé un petit peu de ces gens-là, qui ils sont, et des exemples à ce sujet-là. Pour le cours d'aujourd'hui, on va profiter d'un autre charh de ce livre, le charh de Cheikh Saleh al-Sheikh, l'ancien ministre de Wizarat al-Umur al-Diniya al-Shu'un al-Islamiyya en Arabie Saoudite. Il a fait un charh de ce livre-là, puis dans certains des sujets, il détaille un peu plus, il clarifie certaines questions de façon un petit peu plus détaillée, puis c'est intéressant en même temps de voir les différents styles entre les mashaykh et les différentes approches, la façon dont les explications sont mentionnées. Donc je vais lire un petit peu des explications que le Cheikh Saleh al-Sheikh a donné ici par rapport aux gens qui donnent préférence aux awliya sur les prophètes. Et le Cheikh Saleh al-Sheikh, il a divisé en trois catégories ces gens-là. Il a parlé des extrémistes parmi les soufis, il a parlé du deuxième groupe, c'est Al-Rafida et Al-Ismailiyya. Puis le troisième groupe, c'est les philosophes. Donc, il les a divisés de cette façon-là. Puis, on va lire donc cette explication qu'il a mentionnée à propos de l'endroit où on était rendu, qu'est-ce qu'on a expliqué dans le dernier cours. Le cheikh expliquait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Taymiyyah, cheikh al-Islam, il disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, contrairement au prophète précédent, il n'a pas besoin d'une autre explication ou d'une autre aide de la part d'un être humain. Comme par exemple, les prophètes précédents, comme Isa alayhi salam ou d'autres, ils ont suivi la Torah de Moussa. Donc ils se référaient à une autre révélation et au message qui a été transmis à une autre personne, un autre être humain. Tandis que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa charia, elle est complète. Donc il n'a pas eu besoin de l'aide d'un prophète précédent ou d'un support d'une révélation précédente, parce que sa religion, son message, c'est un message qui est complet, qui est parfait, et il a parlé de ça, ce qui montre la supériorité de son message ou de sa révélation sur les révélations précédentes. Et donc, si c'est le cas qu'il n'a pas besoin d'un prophète précédent, il a encore moins besoin d'un wali qui lui enseignerait quoi que ce soit. Contrairement à ce que croient certains parmi les égarés, parmi les groupes de soufis qui disent que le wali est meilleur que le prophète et que c'est le prophète, il profite de la science qui vient du wali. C'est de l'exagération, c'est de l'extrémisme et c'est du kufr, cette parole. Et donc, le cheikh, il mentionne à ce sujet-là, cheikh Saleh al-Sheikh, il dit « وَهَذَا الْكَلَامِ مِنْ أَوَّلِ الْفَصْلِ إِلَى هُنَا فِي مَسْأَلَةٍ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ أَفْضَلُ مِنَ الْأَوْلِيَاءَ قَطْعًا وَتَفْضِيلُ النَّبِيِّ عَلَى الْوَلِيِّ يعني ظاهرٌ يعني مسألة أن الأنبياء أفضل من الأولياء قطعًا وتفضيل النبي على الولي ظاهر من جهة الدليل كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بالأدلة الكثيرة في هذا الباب وظاهر أيضا من جهة التعليل فإن الولي لم يكن وليا إلا باتباعه للنبي فبسبب اقتدائه بالنبي واتباعه يعني صار واتباعه له صار وليا وجاءته الكرامة من جهة اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام فهو دائما أقل رتبة من والأولياء في هذه الأمة أكملهم وأرفعهم درجة الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. Donc le cheikh dit que qu'est-ce qu'on a expliqué depuis le début de cette section jusqu'à maintenant, c'est que les prophètes sont meilleurs que les awliya. Ça, c'est quelque chose qui est définitif. Et il dit que la préférence du prophète, hein, le fait qu'on préfère et qu'on considère supérieur le prophète sur le wali, ça c'est apparent sur le plan des preuves du Coran et de la Sunna, comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a mentionné de nombreuses preuves dans ce domaine et sur ce sujet. Puis il dit c'est apparent également sur le plan de yani at-ta'lil, sur le plan de la raison, hein, et de l'explication. Pourquoi? Parce que le wali, il ne peut être un wali qu'en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est par le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fait qu'il le prend comme un modèle qu'il devient un wali. Donc comment on pourrait prétendre ou dire par la suite que le wali est meilleur que le prophète, hein? C'est une contradiction. Et il dit, et le wali, il n'a obtenu de karama que par rapport à son suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il va toujours être dans un degré inférieur au prophète. Le wali va toujours être dans un degré inférieur au prophète. Et il dit, en ce qui concerne les awliya dans cette umma, les plus parfaits et les plus élevés en degré parmi les awliya seront bien entendu les quatre khulafa ar-rashidin, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali radiyallahu anhum ajma'in. Il dit, والطوائف التي فضلت الأولياء على الأنبياء أو فضلت خاتم الأولياء على خاتم الأنبياء ثلاث طوائف. Il dit, les groupes parmi les gens, donc parmi les groupes qui ont préféré les Aulia au-dessus des Anbiya, au-dessus des prophètes, ou qui ont préféré le sceau des Aulia sur le sceau des prophètes, sont de trois groupes. Il dit, وأما الأولى فهم غلاة الصوفية والثانية وهم الرافضة والإسماعيلية باعتبار أصلهم بأنهم طائفة واحدة والثالثة الفلاسفة. D'accord. Donc il dit les groupes qui ont sont trois groupes. Ces trois groupes sont les suivants. Le premier groupe c'est les extrémistes parmi les soufis. Le deuxième groupe ce sont les Rafida et les Ismailia. On peut les considérer comme un seul groupe, puisqu'ils font partie les deux des Shi'as, ou bien de la catégorie de ceux qui ont dévié par rapport à cette question. Et troisièmement, Al-Falasifa. Donc le Cheikh, il commence à expliquer par rapport au premier groupe. Roulat al-Sufiyya. Faza'amu anna jihata tafzil al-wali ala al-Nabi, anna al-Nabi innama ya'khudu min al-Malak, amma al-Wali, فإنما يأخذ من المعدن الذي أخذ منه الملك كما قال ابن عربي في فصوصه فالنبي يأخذ بواسطة فالنبي يأخذ بواسطة والولي يأخذ بلا واسطة ولهذا كتب ابن عربي كتابه المعروف الأربعين عن رب العالمين يعني التي حدث بها عن رب العالمين مباشرة لما سمعه منه وهذا من حيث التفضيل أن الولي يصل به المكاشفة إلى حيث لا يكون هناك حجاب والأنبياء حجبوا منهم من كلموا في بعض الأحيان أما الولي فإنه إذا اختار أن يسمع الكلام فما عليه إلا أن يصفي قلبه ويعمل بالرياضات الخاصة عندهم الرياضات الروحية ثم ينكشف له الحجاب فيصبح يرى ويحدث في يرى ما يحدث في الملكوت ويسمع أوامر الحق جل وعلا للملائكة. Donc voici l'explication que le Cheikh il donne à propos du premier groupe qui est le groupe des extrémistes parmi les soufis. Il dit ils ont pensé que le wali est meilleur que le prophète du point de vue que le prophète, lui, prend par l'intermédiaire de l'ange la révélation. Tandis que le wali, il prend de la source de laquelle l'ange a pris. Le prophète, il prend de l'ange, tandis que le wali, il prend de la source d'où l'ange a pris lui-même. Comme Ibn Arabi, il dit dans son livre Fusus al-Hikam. Et il dit donc que le prophète, il prend par un intermédiaire la révélation, tandis que le wali, lui, il prend sans intermédiaire. Donc, selon eux, ça prouve qu'il est supérieur au prophète. Et c'est pour ça que Ibn Arabi, il a écrit un livre qui s'appelle Al-Arba'in an Rabbil Alamin. Subhanallah. C'est-à-dire les 40. Je ne sais pas si c'est 40 hadiths ou 40 paroles qu'il prend du Seigneur des mondes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il écrit dans ce livre-là 40 paroles qu'il a entendues directement d'Allah. Il mentionne dans ce livre 40 paroles qu'il a entendues directement d'Allah. Pour dire que, yani, il est meilleur que le prophète puisqu'il prend d'Allah directement. Donc ça c'est de l'égarement, Allah musta'an. Et le cheikh il dit, et ça, yani, c'est pour dire qu'il considère que le wali, il est supérieur. Parce qu'il obtient cette, comment on pourrait dire, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala lui dévoile des choses. Parce que ils disent que lui, le wali, il n'a pas de voile entre lui et Allah. Ok? Il n'a pas le voile. Tandis que les prophètes, eux, ils sont parfois voilés. Ils ne peuvent pas, parce que des fois, certains prophètes, Allah leur a parlé. Tandis que le wali, lui, quand il décide lui-même d'entendre la parole, il n'a qu'à purifier son cœur et faire des exercices particulières, des exercices spirituels, comme les certains exercices spirituels que les soufis ont développés, et purifier leur cœur par ce genre d'exercice, et automatiquement le voile se dissipe et ils sont capables de voir ce qui se produit dans la création et d'entendre les ordres d'Allah aux anges. Donc c'est par eux-mêmes, par leur propre volonté, qu'ils sont capables d'arriver à ça et d'enlever le voile qui empêche les prophètes d'accéder à cette connaissance quand ils veulent. Allah al-musta'an. Donc ça c'est le premier groupe. Le deuxième groupe c'est al-ta'ifatu thani al-rafida wa al-isma'iliya. Donc al-rafida et al-isma'iliya, ce sont deux sectes parmi les sectes des shi'a. Les Rafidans, on les appelle les 12, les duodécimains, ou bien les 12 imams, al-Ithna Ashriya. Tandis que al-Ismailiyya, c'est une autre secte qui a dévié à un autre degré. Parce que, pourquoi la différence entre les deux, c'est qu'ils ont une différence par rapport au nombre d'imams parmi les descendants d'Ali. Donc les Ismailiyya, je pense qu'ils en ont 8, tandis que les Rafidans, eux, ils en ont 12. Et donc le cheikh il dit فَإِنَّ الرَّافِضَ يَزْعُمُونَ أَنَّ أَئِمَّتَهُمْ لَهُمْ مَقَامٌ لَهُمُ الْمَقَامُ مَا لَيْسَ لِلْأَنْبِيَاءِ وَعِنْدَهُمْ هَذَا مِنْ ضَرُورِيَاتِ الْمَذْهَبِ حَيْثُ يَقُولُ بَعْضُ أَئِمَّتِهِمْ مِنْ ضَرُورِيَاتِ مَذْهَبِنَا أَنَّ لِأَئِمَّتِنَا مَقَامًا لَا يَبْلُغُهُ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ. يعني مما لا يحتاج إلى استدلال أصلا يعني معروف الأئمة الاثنى عشر ابتداء من علي رضي الله عنه إلى العسكري يعني هؤلاء لا يبلغهم ملك مقرب ولا نبي مرسل قال وأنهم كانوا قبل خلق هذا العالم أنوارا فجعلهم الله بعرشه محدثين وجعل لهم من المنزلة والزلفة ما لم يجعله لأحد من العالمين. Donc le cheikh il dit à propos des Ithna Ashriya, Rafida, eux ils prétendent que leurs imams, ils ont atteint un statut que aucun prophète ne peut atteindre. Et ça fait partie des choses établies dans leur voie et dans leur croyance. Du fait qu'il dit, certains de leurs imams disent, et en particulier Al-Khumayni, parce que Al-Khumayni c'est lui qui a écrit ça dans son livre Hukumat al-Islamiyya. Il dit dans son livre, que parmi les choses établies dans leur madhab et dans leur voie, c'est que leurs imams ont un degré ou un statut qu'aucun ange rapproché et qu'aucun prophète envoyé ne peut atteindre. Et il dit, cela signifie que cette chose est tellement établie dans leur croyance qu'elle ne nécessite pas de preuves à la base. C'est quelque chose, il y en a daroura, daruriyat, ça fait partie des choses indiscutables, c'est-à-dire que c'est établi et c'est une base connue chez eux. Et ils disent que les imams, les 12 imams, en commençant par Ali, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les descendants de Ali par Al-Hussein, hein, jusqu'à celui qu'ils appellent Al-Askari, c'est-à-dire le Mahdi qu'il prétend qu'il est devenu invisible et que depuis 1200 ans il est dans un état d'occultation et qu'à la fin des temps il va apparaître pour venger soi-disant la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc toute cette superstition qu'ils ont, qu'ils appellent l'imam Mahdi, qui n'est pas le vrai imam Mahdi, bien entendu. Donc ces 12 imams-là, hein, beaucoup de gens disent que leur 12e, il est vraiment... En réalité, leur 12e imam n'est jamais né. Parce que yani, quelqu'un ne peut pas, depuis 1200 ans, vivre et puis être invisible, puis qu'il réapparaît à la fin des temps. Hein. Et en plus, il n'y a aucune preuve de ça, ni dans le Coran, ni dans la Sunna authentique. Donc, ça c'est un point. Donc, il dit que leurs 12 imams, ils ont un statut qu'aucun ange rapproché et aucun messager envoyé ne peut atteindre. Et qu'ils existaient, ces 12 imams, avant la création du monde, et qu'ils étaient des lumières, hein, autour du trône d'Allah. Ouais, ils existaient sous forme de lumière autour du trône d'Allah. Et que Allah leur a donné un degré et une proximité qu'il n'a donné à personne d'autre d'entre les créations, d'entre les mondes. Ça c'est pour les Ithna Ashriya, les Rafida. C'est leur croyance. Même que Al-Khomeini, il disait dans son livre, justement dans le même livre, dans le même passage, juste après, il dit qu'ils ont une autorité et un respect qui fait que tous les atomes de l'univers se prosternent devant eux, devant ces 12 imams. Et ils connaissent l'invisible et ils savent tout et ils ne peuvent même pas se tromper ou faire d'erreur, ils sont infaillibles. Hein? C'est ça leur croyance. Hein? Non, quel dalil tu vas trouver pour ça? Est-ce que tu vas trouver dans le Coran un dalil pour quelque chose de shirk et du kufr? Hein? Donc il n'y a pas de dalil. Comment pourrait-il y avoir un dalil pour ça? C'est comme ceux qui essaient de justifier l'adoration des saints puis des tombes. Et puis qui prétendent avoir un dalil. Quel dalil ils peuvent avoir pour ça? L'islam a interdit le shirk et le kufr. Comment quelqu'un peut essayer de justifier ça par le Coran et la Sunna? Hein? Oui, c'est ça. C'est comme si même ça, c'est la même croyance que la croyance des chrétiens, que la croyance des mouchriquins. Et pire même, pire, oui, effectivement. Donc c'est pour ça que les ulama, ils ont dit les gens de bid'a, ils ont pas de dalil, ils ont des shubuhat. C'est-à-dire ils mélangent le vrai et le faux, hein, et ils trompent les gens avec des semblants. Avec des faux semblants d'arguments. D'accord? Donc il dit ensuite, وَالْإِسْمَعِيلِيَّ وَالْقَرَامِطَةِ وَالْعُبَيْدِيِّينَ وَالنُّصَيْرِيَّ وَالدُّرُوزِ زَعَمُوا أَنَّ الْأَوْلِيَاءَ أَوْلِيَاؤُهُمْ أَعْظَمُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْوَلِي وَهُمْ أَوْلِيَاءُ سَبْعَةَ عِنْدَهُمْ أَوْ أَرْبَعَةَ أن الولي يحل فيه الحق جل وعلا وليس كل شيء يستحق هذه المنزلة فالأولياء تميزوا على الأنبياء لأنهم يحل فيهم الحق جل وعلا فيصبحون صورة لله جل وعلا يعني صورة ناسوتية ليست لاهوتية يعني بحلول الحق جل وعلا فالجسمان جسمان إنساني يعني جسمان إنساني ولكن العلم والحكمة والأمر والنهي الإلهي يعني Ilahi, non. Donc ça c'est la croyance de ces gens-là, des Ismaïliya. Et les Ismaïliya, vous les connaissez peut-être pas, mais c'est une des sectes parmi les sectes d'égarement. Ces gens-là sont en dehors de l'islam, sont même pas considérés comme étant des musulmans. Et ils font partie des groupes ou des sectes ésotériques. On les appelle les sectes ésotériques, al-batiniya. Et parmi leurs croyances, ils croient par exemple que ils croient qu'il y a un sens caché à tout dans le Coran. Il y a un sens apparent que tout le monde peut comprendre, mais il y a un sens caché que seulement eux peuvent comprendre et connaître. Hein? Et c'est leur manière en fait de déformer la religion complètement. Hein? Et donc ils ne croient pas en Allah, ils ne croient pas en les messagers. Pour eux, les messagers, un prophète, quelqu'un peut devenir prophète s'il veut. Il a juste à faire des efforts personnels et on va l'expliquer de toute façon plus tard. Hein, quelqu'un qui fait certains exercices, s'il est intelligent, s'il a une grande imagination, hein, il peut devenir prophète. Pour eux, les philosophes même sont des prophètes. Hein. C'est comme ça qu'ils interprètent l'affaire. Et ils ne croient pas au paradis, ils ne croient pas en l'enfer, ils ne croient pas qu'il y a des choses haram ou halal. Hein. Tout est halal pour eux. Et ainsi de suite. Yani. Ils croient que Ali, radiallahu anhu, c'est Allah en personne. Hein. Et ils l'adorent en dehors d'Allah. Et leurs imams aussi les considèrent comme des incarnations divines. Comme les chrétiens croient que Jésus est fils de Dieu ou qu'il est Dieu incarné, la même chose, eux, ils croient par rapport à leurs imams. Hein? Et tu le retrouves ça dans le... Aujourd'hui, ils ont, comme par exemple, ce qu'on appelle les Aga Khan. Ça, c'est une des sectes parmi les Ismaïliyas. Eh bien, les Aga Khan, aujourd'hui, ils croient que yani, c'est une manifestation de Dieu, que c'est une incarnation de Dieu. Et si vous regardez, par exemple... Si vous allez sur n'importe, comme par exemple, vous faites une recherche sur Google comme ça, et vous écrivez Aga Khan, eh bien vous trouvez que ils ont, yani la photo de cette personne. Si vous le voyez, vous allez penser que c'est un juif ou un chrétien ou un, yani, c'est ça, c'est lui. C'est lui celui qu'ils appellent Aga Khan. Et c'est des gens qui sont vraiment reconnus comme un chef d'État. Je suis allé à Ottawa le week-end passé, puis j'étais allé pour essayer d'avoir des copies du Coran de l'ambassade de l'Arabie Saoudite. Mais bon, ça a l'air que ça a changé le système. Comme si 20 ans en arrière, on allait là-bas, ils pouvaient donner parfois des boîtes de Coran pour les mosquées. Mais depuis 20 ans, j'ai pas fait d'update. Ça a l'air que tout a changé maintenant. Donc, je suis allé là-bas pour rien. Mais, par contre, juste à côté de l'ambassade de l'Arabie Saoudite, il y a un bâtiment construit, juste peut-être la même grosseur que l'ambassade de l'Arabie Saoudite. Ou même peut-être même plus grosse encore. Et c'est c'est comme un bâtiment de la délégation de l'imamat des Ismaélites. Yani, ils ont leur ambassade là-bas alors qu'ils n'ont même pas d'État, ils n'ont même pas de pays. Hein? Oui! Même il est allé passer des vacances sur son île privée, là, quelque part. C'est un homme, l'Aga Khan, il lui donne à chaque année son poids en or. Tous les fidèles de cette secte, hein, il donne à l'Aga Khan, yani, son poids en or. Donc, ils le mettent sur une balance, et puis, ils mettent le poids qui sort, ils amènent des boîtes d'or, hein, des lingots d'or ou bien des diamants comme ça, puis jusqu'à ce que ça arrive à son poids. Hein. Et donc ces gens-là, ils ont beaucoup d'argent et c'est des gens qui combattent l'islam avec leur argent. Ils font beaucoup d'efforts pour propager tout ce qui peut contredire l'islam et tout ce qui peut opposer la croyance des salafs et la croyance du Coran et de la Sunna. Donc c'est vraiment des shayatins, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, leur croyance est pire encore. C'est des mouchriquins. Et les ulamas d'Ahl-Sunnah, ils ont déclaré ces groupes-là comme étant des anadiqa, des hérétiques qui sont en dehors de l'islam. Donc parmi ces groupes, il y a les Qaramita, il y a les Ubaydiya, il y a les Nusayriya, et il y a les Druze. Hein. Tout ça, c'est des groupes qui sont dans leur croyance, ils sont complètement en dehors de l'islam. Les Nusayriya, ils croient en la réincarnation. Parmi leurs croyances, ils croient en la réincarnation. Ça veut dire que quand tu meurs, ton âme, elle va dans un autre corps. Puis tu recommences un autre cycle de vie comme ça. Leurs croyances, elles n'ont rien à voir avec l'islam. Ils croient que Ali, c'est Dieu. Hein? Ils l'adorent comme si c'était Allah. Hein? C'est ça leur croyance. Donc ils disent, eux, qu'ils ont un nombre de awliya qu'ils adorent, eux aussi. Puis ils disent que il est une incarnation divine, que Dieu entre en lui. Donc il est une part, comme s'il était Dieu. La même manière que les chrétiens disent que Dieu est en Jésus, eux ils croient la même chose, mais par rapport à leurs imams. Ensuite, le troisième groupe que le cheikh il a mentionné, il a dit At-ta'ifatu thalitha mimman yaquluna bi tafdil al-awliya 'ala al-anbiya al-falasifa. فإنهم يقولون النبوة والفلسفة تجتمع في شيء واحد وهو أن الجميع فيه تحصيل غاية الحكمة والنبوة تحصيل الحكمة فيها بواسطة الملك لا دور للنبي في تحصيل الحكمة بإدراكه وعقله وسعيه وبذله أما الفيلسوف الحكيم فإنه حصل له هذا المقام وإدراك الحكمة بفعله وإدراكه وبذله وعقله وفهمه ولهذا الفيلسوف تساوي مع النبي في إدراك الحكمة ولكن زاد على أنه أدركها بعقله وبحثه ونظره وذاك بواسطة ومن أدرك بنفسه أرفع درجة ممن أدرك بواسطة وهذا القول وكل الأقوال السالفة زندقة وكل من قال بهذا القول فهو زنديق يستتاب على الكفر فإن تاب وإلا قتل وأهل العلم قالوا يجب قتله بلا استتابة ومن أظهر هذا القول فإنه يجب قتله بلا استتابة لأن هذا القول مما لا شبهة فيه أصلا وإنما هي زندقة محضة وما ذكره شيخ الإسلام في تفصيل الكلام واضح من أن الرسالات جميعا جاءت بالإسلام وأن الرسل إنما يفضلون بالإسلام لله رب العالمين وباتباع الأنبياء والرسل ويشرف أقوامهم والأولياء إلى آخر ما ساق من الآيات والأحاديث في هذا الباب. Donc, le cheikh, il parle par la suite de l'exemple du troisième groupe qui sont ceux qui, parmi le troisième groupe qui préfère les awliya aux prophètes, ce sont les philosophes. Et eux, ils disent que les prophètes et les philosophes, ils sont réunis sur une chose, c'est que les deux, ils arrivent à la limite de la sagesse. Ils disent, tandis que le prophète, lui, il obtient la sagesse par l'intermédiaire de l'ange. Il n'a aucun rôle dans le fait d'acquérir cette sagesse-là par sa propre raison ou par son effort personnel. Tandis que le philosophe, il obtient la sagesse par le fait qu'il fait des efforts, il réfléchit, il utilise sa raison, il essaie de comprendre et il essaie d'acquérir la sagesse par ses propres moyens. Donc, pour eux, ils disent donc que les deux sont équivalents. Le philosophe et le prophète sont équivalents dans le sens qu'ils acquièrent la sagesse, sauf qu'ils considèrent que le prophète est supérieur au prophète, qu'ils considèrent que le philosophe est supérieur au prophète parce qu'il obtient cette sagesse par sa raison et par son observation et par son effort et sa recherche personnelle, et non avec un intermédiaire. Donc il considère qu'il est plus élevé en degré que le prophète. Et le cheikh, et cette parole et les paroles qu'on a mentionnées précédemment sont toutes des paroles d'hérésie, des paroles de kufr. Et il dit que la personne qui dit cette parole est un hérétique, un zindiq, et il est obligatoire de l'appeler à la repentance. Et s'il refuse, parce que sinon il est dans le kufr, s'il refuse, il sera exécuté. Et il dit, les hommes de science ont dit même qu'il faut l'exécuter même sans le demander, sans lui demander de se repentir. Et quand on dit qu'il faut l'exécuter, ça ne veut pas dire moi ou toi ou Wadir ou bien Izzeddin qui va aller lui-même pour dire on va tuer cette personne. Non, on n'a pas le droit de faire ça. Celui qui a le droit de faire ça seulement, c'est le chef de l'État et son représentant, c'est-à-dire quand il va être attrapé, cette personne, qu'il va amener devant un juge dans un tribunal dans les pays musulmans, bien là, ils vont établir que cette personne est un hérétique s'il prône ces idées-là et ces croyances-là. Hein, et si c'est le cas, bien il va être exécuté selon la loi islamique, yani, parce que dans l'islam, yani, si quelqu'un prône des croyances de kufr et des croyances d'hérésie, ben, c'est la punition pour ça dans l'islam, c'est la peine de mort. Donc, il sera exécuté pour ça. Et, yani, donc, certains ulama ont dit, yustatab, ça veut dire, on l'appelle à se repentir, on lui donne un répit pour qu'il puisse se repentir, pour qu'il puisse réfléchir. Il va s'asseoir avec des chouyours, avec des ulama, qui vont lui donner les preuves, les arguments qui montrent que, qu'est-ce qu'il dit, c'est contraire à l'islam, que c'est contraire au Coran, que c'est contraire à la sunna, et ils vont lui donner un répit pour réfléchir, puis pour comprendre que qu'est-ce qu'il dit, c'est faux. S'il persiste, malgré tout, à défendre ces idées-là, et à rester dans son hérésie, alors dans ce cas-là, il va être exécuté. Et il y en a des ulama qui ont dit non, même, il n'y a pas d'istitab pour ce genre de personne parce que cette parole, elle est une forme d'hérésie claire et apparente. Il n'y a même pas d'ambiguïté dedans. D'accord? Donc, quand ça atteint ce degré-là, yani, c'est comme si ça nécessite plus de demander de l'aide à se repentir. Yani. Et donc, le cheikh, il explique qu'il n'y a pas de doute que quand on regarde les preuves du Coran et de la Sunna, que les prophètes sont au-dessus des awliya, hein, sont meilleurs que les awliya, meilleurs que les philosophes, meilleurs que toutes ces catégories-là, hein, puisque ils reçoivent la révélation divine et que Allah subhanahu wa ta'ala les guide et leur montre la vérité et leur donne les livres, hein. Donc il n'y a personne qui peut être supérieur à eux. Et comme le cheikh il l'a expliqué, que si quelqu'un atteint un degré de piété ou de wilaya dans la religion, c'est uniquement par l'intermédiaire du prophète et par le fait qu'il a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et non pas le contraire, hein? Contrairement à ce que disent les soufis, que les awliya ils prennent directement d'Allah tandis que les prophètes eux prennent par l'ange. Et ça c'est des mensonges et de l'égarement. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.